60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. J'aurais du classable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Bada bada bada badom. Je vis des moments spéciaux. En fait, l'Halloween est tombé, la dernière barrière qui nous en protégeait. On est maintenant rendu jusqu'au cou. Oui, on est dans la période de Noël, c'est sur nous. Et pour la deuxième année de suite, elle a été annoncée par le pire des hosties d'anges de fange. À frette, je l'ai appris vendredi passé sur le sofa dans le salon. Ça n'a pas été facile. Pas de bave, pas de dilatation, rien. Pow! Éric Lapointe a fait un nouvel album. Oui, il souffre, mais sûrement pas autant que moi. Sérieux, tous mes amis ont transformé ma haine pour la style de tâche qu'il représente en joke, mais depuis 92 que j'en ai plein le cul de sa souffrance injustifiée. Comment tu peux remplir des stades avec tes créations et en avoir encore à te plaindre? Il y a juste lui qui est capable. Je tiens l'exact même discours qu'il y a 20 ans quand je dis que j'en ai plein le cul de son auto-victimisation qui abrutit en entier mon peuple, il fallait que j'en parle, je l'haïs. C'est la seule force négative de laquelle je peux pas me débarrasser, je peux rien faire pour qu'il décalisse. Il veut jamais s'en aller. Calissez-lui des Prozac dans le cul jusqu'à temps que ça y sorte par la gueule comme un Pez dispenser, puis il va être encore déprimé de son droit de rejoindre tout le monde. J'ai pas entendu sa nouvelle toune, il paraît qu'il souffre dedans. Asti de calice que j'en ai plein le cul de sa souffrance incontrôlable, de sa manière de se transformer en pauvre victime. Asti que je le déteste. Pas comme un ulcère, tu sais, que si t'arrêtais de jouer après avec ta langue, il s'en irait parce que ça ferait longtemps que je m'aurais coupé la langue. Calice! Asti que je l'haïs. Fuck you, Éric Lapointe. Je méprise ton existence. Il y a personne d'autre que toi. Et le fardeau de ta lente agonie que t'appelles ta carrière musicale qui peut me mettre dans cet état de Saint-Tabarnak de va chier, hostie de pelle de marde! Ça reflète tellement bien l'apathie de mon peuple. Son amour pour les gangs petits qui visent le, tu sais, le gros minimum. Nous autres, on est au strict minimum. Lui, hostie! On va revenir à ma feuille. Pis là, son calice d'album de marde qui porte un nom autant poète que mon dernier pet. Allez pas en acheter, hostie! Allez pas en acheter sous prétexte que c'est le seul vrai rocker qu'on a au Québec. Tabarnak, fais-toi une culture, calice! Gang de vacuits d'influence. Ça vient tant, Frank, on va parler d'autre chose. Hostie que ça m'a fessé. J'ai besoin de te calmer un peu. S'il te plaît. Ça devrait t'aider. Si jeune cinéaste la relève, Franck, toi aussi, tu n'aimes pas Éric Lapointe et on n'en parle plus. Non, pas vraiment. Il y a de la musique bien meilleure que ça. Eh hey boy, fait que là, on va écouter deux clips. Mais en fait, un clip que t'as fait, tu peux peut-être le présenter. Je me rappelle même pas. C'est quoi, c'est Hulk? Whatever. Présente-le. Ça, c'est de la vraie musique. Qu'est-ce qu'on voit? Gillette. Oh oui, Gillette. Années 90, ceux qui s'en rappellent, c'est bien plus sick. Ça va être en background tout le temps qu'on va parler. Mets un clip de notre ami Frank. Le premier, c'est The Incredible Bulk. Le gros Hulk, dans le fond. The Incredible Bulk, c'est parti. Tu sais que tout ce que j'ai dit, je l'ai pensé. This winter, get ready for the ultimate non-stop action movie experience. When a radiation scientific experiment gets out of control, three times Nobel Prize winning scientist Bruce Panther sees his life take a drastic turn when he gets in contact with the wrong chemical agents. Irreversible genetic side effects inexplicably turns him into the Incredible Bomb. Dirty money, crime, cigars. Now have an opponent. From the deadliest Italian slumlord crime syndicate to the paramilitary underworld crime general, the Incredible Vault is here to restore order. This crime-ridden world of insanity. The Incredible Bomb! An explosive tale of violence and heroism. Featuring Latino gangsters! Incredible Vault wastes no time liquidating crime. Crime has nowhere to hide. Try to run, you will get hurt. Too bad. No one can stop the Incredible Vault from eradicating crime. Not even the law! He's out of control! We need reinforcements now! I'll be right on it! Get ready for the ultimate showdown! Fait que je te jure, man, je lui demande qu'est-ce que c'est quoi son prénom à la fille, puis il commence à... Non, en tout cas, ça même pas. On est de retour en studio. Ben, moi, je présume qu'il savait pas le nom de la fille qui est en train de le sucer, sinon il aurait continué à se faire sucer. Je sais pas, là. Ouais, je sais pas non plus si ça te prend le nom de la fille, mais c'est de dénoter le respect. Hein? On est rejoint par Vincent, un des collaborateurs de notre invité. Yo, Frank. Vincent. Vous faites des films, donc, on a compris. C'est... On essaye. Ouais. Vous avez commencé avec quelle plateforme en premier? Le sketch, je dirais. Le trash. Avec Mathieu Saint-Onge, on avait fait Madame Cocoon. Tiens, le plus proche. Avec Mathieu Saint-Onge, on avait fait Madame Cocoon. C'était pas mal notre première sortie vidéo. OK, donc vous êtes des potes à Saint-Onge, puis vous avez commencé un petit peu autour de... Le concept, c'était de faire des clips pour aller sur YouTube. Là. C'était pas pour... Ben, en fait... Je sais pas, là, je connais Matt, ça fait un petit bout, puis je sais pas, je mangeais chez eux, puis il m'a proposé une histoire vraiment trash, puis tout le monde était contre l'idée, puis moi j'ai dit évidemment que je suis down pour faire ça, puis on l'a fait, puis en dedans de 15 minutes, ça s'est fait bannir de YouTube, je pense, t'as-tu? Ouais, quelque chose comme semblable à ça. Là. Ridicule de même. Fait que là, on savait qu'on avait de quoi. Là. Si c'était trop trash, pour même t'as fait une heure. Est-ce que c'est la vidéo avec les viols, avec le toutou? Ouais. Ah, je m'en souviens parce que moi, je représentais Mathieu pour ma job. Il fallait que j'essaie de défendre ce clip-là. Puis on a travaillé fort. Ouais. Désolé, man. On essayait de dire que c'était de l'art, mais ça n'a pas passé. La boucle est bouclée, en tout cas. Ben oui, ça l'est. Hey, man. Écoute, c'est quoi l'art si c'est pas de l'art? Rendu là, vos sources d'inspiration, est-ce que t'es plus un fan du cinéma de Fellini ou tu vas plus dans le Spielberg ou le Michael Bay flamboyant? C'est quoi tes inspirations, Frank? Être lendemain de brosse pour ma part. Le cinéma Bollywood et David Lynch. Ah ben voilà, ouais, c'est un bon mélange, ça. Est-ce que vous vous considérez comme des cinéastes? Non. Je me considère plusieurs choses. Est-ce que cinéaste en fait partie? Je me suis jamais penché sur la question. Parle-nous de toi, Vincent, un petit peu. J'aime pas les bananes. On va le voir dans le prochain clip, éventuellement. C'est un appel terroriste pour éradiquer l'existence des bananes, mais c'est anti-banana, pas, c'est pas vraiment pris au sérieux jusqu'à présent, pour une raison qui m'échappe. Ok, c'est banana, pas pour rien, genre. Anti-banana legion. Mais en fait, il y a des gens qui nous ont pris au sérieux, ça passait à la TV américaine. En fait, à une émission genre Cross USA. Aïe, t'es game de nous le partir, ce clip-là, moi j'ai hâte de le voir. Là, c'est Chris Macabre. Oui, on va écouter ça, puis on en reparlera un petit peu après. Là. Fait que. Les gens, il y a des gens qui pensaient que vous aviez banni. En fait, que vous étiez contre les bananes pour vrai. Ben. J'imagine, je sais pas. Là, on va écouter un clip qui a des répercussions jusqu'au state, puis ça, c'est à cause de ta haine des bananes. Exactement, et je l'assume. On est à 70%. Est-ce que je l'aime pas, Eric Lapointe? We had enough of the banana market supremacy. Bananas are disgusting, distinct, and they should not exist on the surface of planet Earth. For these are reasons. Our simple demand to the world population is to eradicate every last banana left on Earth. And to prove to you how just serious we are, we will execute bananas right before your eyes. We are ready to take all action necessary to protect the people of planet Earth from this perfect filth. And nothing can stop us from eradicating bananas, not even your government. This is the beginning of a new era. Pour vrai, là? Ouais, le train, c'était pas un trucage, man. C'est un vrai train. Vous avez mis une vraie banane là, puis. Ah, man, on y reste pas avec ça. Nous autres, on est hard, là. Ça... On a mis à mort quelques bananes quand même, là. Oh. Ouais. Ah, la magie d'Internet, hein. C'est-tu que ça va vite? Sinon, ben, est-ce que vous avez d'autres collaborateurs? On a parlé de Mathieu Saint-Ange, d'autres personnes qui vous aident dans ce domaine-là, parce que sur YouTube, il y a beaucoup de monde qui font des clips. Ben, il y a Luke. Qui aime bien participer à nos imbécilités. Ah, c'est le même que t'appelles ça. Toi, tu fais des films, t'appelles ça des imbécilités. Ouais, genre. Ben, ça dépend lesquels. Pour ça, ouais. C'est vraiment... Je vais pas appeler ça un chef-d'œuvre d'intellectualisme. Mais j'adore ça que c'est un bon wingman. Dans le fond, toi, tu es réalisateur, puis lui, c'est assistant le reste. Ben. Parle d'être dans le micro. Non. Attention. On écrit pas mal tout à deux, puis j'imagine que j'étais un peu plus un boss de Bécosse que Vincent. Là, fait que... Et puis, comment tu l'as rencontré? J'étais dans un party à Sainte-Thérèse, j'avais un chandail Tampax. Un chandail Tampax à Sainte-Thérèse? Exactement pour cette raison-là. Et voilà! Je me suis dit, cette dude-là, il doit être cool s'il y a un chandail de même. Ah, c'est des faux. Je vais avoir l'air cool pour l'émission. Là. Ah oui, c'est bon. C'est la bonne place où avoir l'air cool. Mais sinon, l'important, c'est quoi? C'est Glockbuster Productions? Glockbuster Films. OK. Et puis ça, c'est sur YouTube surtout? Ça. Ouais, c'est sur YouTube. Notre site en ce moment, il forward à compétition ABCs of Death, qui est dans le fond notre entry, c'est le prochain film qu'on va checker. Et voilà. Fait qu'allez voter parce qu'on est dans la merde, on est crissement loin de gagner pour l'instant. Et voilà, il y a plein, je connais plein de monde qui sont en train de participer à ça. L'année passée, il y a eu les amis de Roadkill Superstar. Cette année, je suis content de voir que la tradition se poursuit. Ouais. Peut-être un dernier mot, parle-moi encore, Vincent. J'aime ça quand il parle, lui. Est-ce que t'as déjà joué au mini-pot? Ben, à quelques reprises, ouais, mais là, ça va faire plus que 10 ans. OK. Est-ce que vous jouez à Magic? Malheureusement, non. Mais non. Bon, mais On va écouter, suivez-les, c'est Glockbuster Film, j'ai écrit pas avec du un son. S. Avec un S, c'est sur YouTube, sinon ça doit se trouver assez facilement. Vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir de les rediriger vers des gars qui sont capables, puis que devant l'adversité et le trashisme, ils ne baissent pas les narines. Et voilà. Là-dessus, ben, on va écouter leur film qui est en compétition, s'il vous plaît, allez voter pour. On est à 70%, puis au retour, j'ai une très belle surprise de Noël pour vous. C'est quoi pour vous, Noël, rapidement? On s'en calisse. Vas-y, Giz. Exact. De Noël. De avec Noël. La pointe. Hello, me, Mrs. Greenwood. We're ready for your facial rejuvenation. This is your first time with us, correct? Yes. Fear not. I'll take very good care of you. Rejuvenation is just to apply a little. I'll be with you in a minute. Crispy, who the fuck are you? Come on, guys, come on, fucking do something! Get in there! Of your product. Ah, sapristi, quelle aventure. Quelle aventure. Toi, DJ George, la sortie d'un nouvel album d'Éric Lapointe, c'est pas ça qui te dépeigne le plus? Pas tant que ça. Ouais, c'est moi, ça. Ça me touche pas autant que toi. Non, moi, ça me moi, touche. Moi, je fais juste pas en jouer jamais, puis ça reste du côté de Linda Lemay. Je fais la même chose, mais ça me revient pareil. Ben, moi, je dis, faut être ouvert à ce qu'il y ait des affaires de même pour qu'il y ait aussi des bons trucs pour nous. Je comprends. C'est la loi de la moyenne, hein? C'est, et voilà, vive la cloche, comme voilà. D'autres ont dit. La sagesse de DJ George, ça fait longtemps que t'es pas venu nous voir à 70%. Ça fait très longtemps, en effet. Moi, je pensais t'inviter pour lancer la magie de Noël, et toi, tu me dis que Radio Cochonnerie, Noël, ça vit ça un mois par année. Exactement. Qu'est-ce qui fait que t'aimes pas Noël à ce point-là? Moi, Noël, je déteste ça. La musique de Noël, je suis pas capable. OK. Non, c'est juste une vieille tradition. J'adore la musique de Noël, mais tu sais, il faut l'attendre. Moi, je trouve que la mettre tout de suite, le bang, là, quand on a même pas encore eu le temps d'attendre. Fait que toi, la barrière psychologique de l'Halloween, toi, t'as mis un mois plus tard. Moi, je commence le 3 décembre, le spécial Noël. 3 décembre, mesdames, messieurs. Ouais, depuis mais ça, 13 ans. C'est, ça a rapport avec ton cosme à toi. Là, ouais. Je veux dire, si on regarde les étoiles, si on regarde dans la Bible et toutes les autres sources bien importantes de la vie, ouais. On va rien trouver par rapport au 3 décembre. Non, le 3 décembre, c'est une règle personnelle. Ça a rapport, en fait, partiellement avec le fait que la première année que j'ai fait un spécial de Noël, le premier lundi, c'était le 3 décembre. Puis dans ce temps-là, j'étais du lundi au vendredi parce que j'avais pas une longue, une grosse connexion. Ben, toutes mes jingles sont faites en fonction de cette date-là, en tout cas. Pourquoi changer ça? Le coin est devenu beaucoup plus rond d'un coup. Non, mais sinon, en fait, on est très content de te revoir à 70%. T'as longtemps, pendant plusieurs années, été un des morceaux importants de la patente. Oui, t'es venu te faire chicaner par des gens plus jeunes que nous avec moi. Ça m'a fait plaisir de participer à ça. C'est des anecdotes incroyables maintenant dans ma vie. Oui, j'avoue qu'on peut en parler longtemps, mais bon, tu vois, depuis 70%, ça l'a beaucoup changé. On est rendu avec un green screen. Je vous écoute régulièrement. Vois ça aller, le HD, le green screen. L'upgrade. Les capsules séparées sur YouTube. C'est vous. On est DJ George approved. Oui, totalement. Et puis toi, t'as comme ramené la tendance du, je dirais pas Moyen-Âge, mais plus du Jurassique. Genre, tu nous as ramené. Ben, je préfère appeler ça le bon vieux temps. Ah ouais. Mais tu vois ça comme tu veux. Fait que là, t'as un top 8. J'ai un top 8 de chansons improbables qui m'ont marqué récemment. Parce que avant j'en faisais jouer à chaque semaine à 70%. Fait que là, j'ai fouillé depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau. Fait que on sait pas si ça va fonctionner, comme dans le bon vieux temps également. On n'a pas testé le son de mon ordi. Donc, on part ça. En 8e position, on a. J'ai mis la main là-dessus récemment seulement. Pourtant, ça existe depuis 1991. On a le disque d'André-Philippe Gagnon qui a sorti un album qui s'appelle L'Intégrale, qui est son unique album d'ailleurs. Et là-dessus, il y a plein de bonnes choses. Mais celle que j'ai choisie aujourd'hui s'appelle Le rap bavarois. Que je pars ça. Moi, ça joue ici. Ah, Guiz a l'air enchanté. Donc, ça joue pour tout le monde. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est du rap de 91. Y'en a qui chantent à l'Olympia, y'en a qui chantent à la Scala, y'en a qui chantent au Stade Olympique, moi je chante au Vieux Munich. En titre culotte avec un petit chapeau, le king du bavarois c'est moi. Tous les soirs je donne mon show. Parce que j'ai. Tu te souviens, dans le temps, il y avait une vitre pour te protéger. C'est quoi le 7? C'est quoi le 7? La femme idéale. Moi je suis le bruit de fond, le cave qui s'arrache les amygdales. Hein? C'est le meilleur bout. Hey, Diodo avec du rap. Quel génie. Ça prenait André-Philippe Gagnon et son génie. Numéro 7. J'y vais dans la même veine un peu. Mais 10 ans plus tard, il y a Alain Dumas. Et tous ses personnages, vous vous rappelez de lui. Alain Dumas, lui, il a fait aussi un album d'humour qui s'appelle Parodie, tout simplement. C'est pas cassé la tête. Ouais, c'est bien qu'il fait des gestes pour les malentendants. Donc, Alain Dumas, là, il a fait cet album-là est un bijou du début à la fin. Ça date de la même année que le World Trade Center s'est écroulé. Je sais pas s'il y a un rapport, là. Illuminati, man. Probablement. Puis là, j'ai choisi, moi, la chanson ici, Je gagne pas, qui est une parodie de Bomba. Ça veut dire qu'il perd? Il perd parce que ça se passe dans un casino. Checkez bien ça. Bienvenue au casino. Nous rappelons à tous les habitués que ce que nous voulons, c'est votre bien-être. Ça. Et ce, jusqu'à la dernière scène. Go! Ça ne vole. Je m'en vais de crédit. Toutes les machines à sous Mexique. Je veux gagner, mais j'ai perdu même ma blonde qui avait une grosse paire. L'auto extra et trifecta. Mes gros chevaux et tic-tac-toe. C'est bon, hein? Saint-Jean-Varie et Monopoly. Ça crée un certain malaise. Moi, j'ai écouté beaucoup de fois. Je suis rendu habitué, là. Mais ça, c'est la première fois, là. Ouais. On confirme le malaise. J'ai perdu mille avant de m'arrêter. Là, il fait juste répéter ce que l'autre dit. J'ai rendu au bout de 2000. Tu sais ce qu'il va dire. Mon créancier m'a rattrapé. Tu sais, quand t'as beaucoup de choses à dire. Bon, voilà. Demain, je vais te rembourser. Hey, écoute-moi bien. Écoutez ça. Paye tes dettes, sinon je te garantis que le seul jeu où tu vas gagner. Ah, t'as manqué une joke, là. T'as tout fucking joke. Non, il n'y a pas eu de joke. Le créancier disait à Alain Dumas, paye tes dettes, sinon le seul jeu auquel tu vas pouvoir gagner, c'est le bonhomme pendu. Ce qui marche pas du tout, parce que quand t'es pendu, t'as perdu. Fait que t'as pas gagné, en tout cas. Fait que voilà, c'était Alain Dumas. On se souvient tout le monde que Sens de l'humour et Alain Dumas. Ben, moi, je les ai jamais vus ensemble dans la même pièce. Hein? Ben non. On dira ce qu'on voudra, mais je pense que let's c'est go, quand même là, let's go, on évolue, on évolue. OK, on change de genre complètement avec Philippe Clay. Philippe Clay qui fait une chanson... Je vais la partir. Elle s'appelle Gladys. As-tu vu sa pochette à Alain Dumas? Comment ouais, t'as envie d'y mettre un ouais, marteau dans... Là, si t'en parles, pour le monde pas, ses poches, vu que vous êtes en HD, allez les pochettes voir, sont grosses de même. Sur Internet. Trouvez-la. Comment ça marche. C'est ça, un peu d'autonomie, là. Lâchez-moi. Fait que Philippe Clay a fait une chanson qui s'appelle Gladys, dans laquelle, en gros, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit tout le temps Gladys. Puis là, Gladys, elle entre en extase de pire en pire tout au long de la toune. Sur un beat disco. Ça, c'est générateur de malaise, ça aussi, à la maison, je vous avertis. Gladys! C'est ça, tu vois, genre. Gladys! C'est comme ça pendant 3 minutes et demie, mais ça avance en pirant, là. Je vais l'avancer un peu. Ça, j'aime ça, le fond de disco comme ça. Ouais, ça c'est pas de bien. T'es capable, ça. Ça devient comme ça. C'est juste répéter. C'est comme s'il fourrait, mais dans la tête d'une seule personne. Ouais, tu reprendras ça. Je te reviens. C'est bon. Fait que là, c'est ça, on peut le voir ça encore, puis, tu sais. Ça devient un peu Dracula, disco. Oui, puis, là, ouais, c'est ça. Ben, qui existe, cette chanson-là. Bon, ensuite, on va aller à l'opposé total du spectre. Là, je suis rendu à mon... C'est Noël? Non, il y a Monique Turbert qui chante la chanson « Bof », avec deux O, deux F. Donc ça, bof, en gros, c'est une fille qui essaye d'aguicher un gars qui, lui, s'en sac éperdument et ne fait que répondre « bof ». Fait que regardez bien ça, vous allez voir, c'est la grosse classe. C'est très 60s. Ouais, de Carpenter. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Oh, dis donc. C'est vachement bat chez toi. Vachement bat, mesdames, messieurs. Extra super. Bon. J'ai pas l'effet que ça me fait. Mais ton disque, il est sans sas. Dis, tu me fais danser? Bon. Il y en a rien à branler. Oh, il fait chaud ici. Tout le long de la toune. À la fin, la fille, elle se retrouve allez, nue par accident. Ben oui. On avance un peu. Tu as autre chose. Bon. Bon. Oh, zut. Regarde ma robe. Oh. Elle est toute déchirée. Oh, non. Oh, c'est rigolo. J'ai plus de robe du tout. Elle est conne. Oui, un peu. Oh là là, t'as vu? J'ai plus rien sur moi. Ben oui, mais voyons. J'ai plus que ma montre. Plus que ça monte, il reste sa montre. Hein. Oh ça alors, c'est formidable. Bon. Alors ça, c'est Monique Tuber. OK, fait que c'est la fille qui a fait cette toune-là. C'est la fille, oui, c'est la toune de la fille. Le gars qui fait bof, je sais pas c'est qui. Ensuite de ça, on a... Elle voulait se mettre en valeur encore. Restons dans le sexe un peu. Ben oui. On a Lord Cossetti qui nous rappelle que c'est maintenant la mode du sexe dans la piscine. Évidemment... Ça peut pas se faire sur aucun autre air que sur l'air de Yellow Submarine. Vous l'avez vu venir? Hey yo! Tu sais c'est quoi la nouvelle mode cette année? Sexe dans la piscine. Comme Loana et son bandana. Hey yo! Tchao! Wall! Comme Loana, elle veut du sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Sexe dans la piscine. Comme Loana, elle veut du sexe dans la piscine. Ouais. Sexe dans la piscine. Dans la Voilà, Lord Cassidy. C'est maintenant la mode du sexe dans la piscine. Là, Tommy, je te vois venir, tu vas me dire. Non, mais c'est juste des tunes vraiment moins 8 en descendant. Voilà, que j'avais jamais entendu. Ben, c'est pour ça. T'es en train de me mitrailler, genre, là. C'est cruel, Étienne. Ça s'en va en augmentant, comme d'habitude. Fait que sexe dans la piscine, tu vas me dire, pouh, il exagère ben, un peu, ça fait longtemps que c'est passé la mode du sexe dans la piscine. Oui, oui. Ben, t'auras raison, c'était en 2004, cette chanson-là. Ensuite de ça. Genre en 2004, de l'ère avant Jésus-Christ. Oui, exactement. C'est, j'ai trouvé ça sur un rouleau de cire dans une pyramide. C'est pyramide Inca, en quelque part. Dans le fond, c'est Yellow Submarine qui s'est inspiré. C'est inspiré de ça, parce que c'était les Beatles, hein, ils étaient connectés. Donc, on va y aller, on est rendu à mon top 3 maintenant. On a David Hasselhoff. Que vous connaissez tous très bien. He's back! Ben, he's back, pas tard que ça. C'était en 87. Il était avec Julie Anthony, une petite fille française. Elle a l'air d'avoir 10 ans à peu près. Puis ils ont tout fait le monde est à l'aise. Ils ont fait ensemble, lui en anglais, puis des fois en français, puis elle en français tout le temps, les Kids de Kit. Kit étant son auto qui parle, tu sais, on se rappellera dans le cas 2000. Très sympathique personne. Kit 2000 de la société Nike. Tu vois, on l'entend parler. Ah oui, ben écoute, c'est en plein dans la période, hein, 87. Les kits de kits. Ça va pouvoir prendre des airs connus soudainement. À David Hasselhoff. Là, la petite fille va embarquer par-dessus en français. C'est ce qui manquait, une petite fille. Manquait une petite fille embarquée par-dessus. Est-ce qu'elle avait besoin de Michael Knight, de Kit, pour retrouver ses parents? Son papa. On va dire le titre de la tune bientôt. Les kits de kits, et voilà. Mais un et l'autre, on va garder ton numéro 1 pour plus tard dans l'émission. Okay, parce que c'est tu bon. Vas rester là pour encore une fois, comme dans le bon vieux temps, nous faire la trame sonore en background pour le plaisir, reste de l'émission. Parce qu'on a encore une fois Mathieu Boudreau, on a Giz, on a aussi Emmanuel. J'en ai pas parlé au début, mais c'est pas parce qu'ils sont pas là. Non, ils sont là, et sont on a aussi Bruno qui a des nouvelles. On a une grosse émission ce soir, on va peut-être déborder. Ah! Flasher vos lumières. Il y a Bernatchez qui va nous faire un petit salut. Tout le monde est là. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai entendu dire que c'était la fête avec des lutins. Il nous reste une de tes chansons. Et j'aimerais que pendant que cette chanson-là joue, tu fasses le rituel très, très officiel qui m'incombe. Qui se nomme. Je vais baptiser Andy Jacques. Andy, si tu veux te joindre à nous. Et voilà, je laisse la place. Je m'en vais à la console, mais on est à 70%. Regarde, passe devant moi plutôt, puis mets-toi de l'autre bord. Donc, on va. Baptisé Andy, car c'est sa fête aujourd'hui à Andy. Exactement, messieurs. Tu as 36 ans, m'a-t-on dit? Oui. Voilà. Alors, mes informations étaient bonnes. On remercie les recherchistes de douteux.tv. Les huit recherchistes qui sont toutes dans la cuisine. Donc, pour sa fête, étant donné que Andy a une foi un peu particulière, hein, tu me racontais tout à l'heure que tu cherchais comment l'exprimer depuis bien longtemps déjà. Bien, pendant 15 ans, je pensais que j'étais seul dans ce monde. À avoir cette foi particulière, j'ai découvert récemment que ça n'était pas le cas. Eh bien non. J'avais découvert ça dans les bas-fonds de l'Internet à ce moment-là. Et récemment, j'ai eu une nouvelle vraiment fantastique qui m'a vraiment comme illuminé. T'es devenu un prêtre. Tout à fait. Prêtre officiel de la religion pastafarienne et le monstre de spaghetti volant. Ouais. Qui habite dans ton cœur, dans le fond, depuis longtemps? Depuis 15 ans, depuis les tout débuts, je savais que c'était lui, ma nouille, ma grande nouille. J'ai été touché par son appendice nouilleuse. Et voilà, c'est exactement tout le temps comme ça que ça se passe. Puis aujourd'hui, bien, on va officialiser la chose en te baptisant. Ouais. Je vais partir la toune avant. Deux mots pour en parler. Tommy, tu vas l'aimer, celle-là. Je suis baptisé là-dessus. Oui, oui. Je la gardais en surprise, mais là, elle a leaké sur Internet aujourd'hui. T'sais. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'appelle Paper Chaser, avec un signe de pièce à la place du S de Chaser, qui a fait un remix en l'honneur, clairement, de l'année Corey Hart, de Sunglasses at Night. Donc, ça s'appelle Night Visions, entre parenthèses, Sunglasses, entre crochets, featuring Corey Hart. Donc, c'est un nom compliqué, assez moderne. Ça vient juste de sortir, genre, là, il y a une semaine. Donc, on va partir ça. Brother, kiss the sky. Et voilà. Okay, eh bien, au préalable, tel que le rituel le demande, tu as fait cuire des spaghettis dans de l'eau purifiée. Donc, je ne sais pas si on peut voir correctement ici. Voilà. Alors, pendant que tu te dévêtis le haut seulement, laisse le micro loin un peu pour que tu ne pourras pas parler de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bénir cette eau. Alors, voilà. Merci. Alors, je bénis l'eau. Oh, grand monstre de spaghettis volant. Que ton essence habite l'eau qui a servi à faire cuire ces nouilles. Alors, voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais t'inviter à te pencher au-dessus du bol. Giz, tu veux tenir mon micro, s'il te plaît, ça serait fort sympathique. Voilà. Et nous allons passer les nouilles sur la tête de ce nouveau fidèle. Monstre de spaghetti, accueille Andy dans ta grande famille. Ça revole un peu plus loin qu'on avait prévu. Et voilà. Alors Andy, au nom de sa sainteté nouilleuse, je te baptise Andy de la nouille. Je te demanderai maintenant d'aspirer un des spaghettis, comme la Belle et le Clochard l'auraient fait. Voilà. Et c'est officiel. Tu es maintenant un pastafarien. Sois béni, mon fils. Bonne fête en passant. Merci voilà. Beaucoup, DJ George. Ça me fait plaisir. Bonne fête, Andy, aussi. On est à 70%. Ouais. L'émission débute à peine, si je me fie à la quantité de collaborateurs motivés qui sont présents. On en a pas on s'en va vers un petit clip et puis on va débouler vers le reste. Moi, je prédis un giz en commençant. Oh, oh, oh, oh. Alors, Corey Hart, je t'interromps. Au revoir. Une genuine love, remembering that God himself has established it by his means. By the high standard of love, God's wisdom gives marriage to promote goodness, happiness, and holiness, not by whim or option, but as the foundation of the home. Amen. The generation of children under perfect social order, and so it must remain until the end of time. Paul! C'est pas de ma faute! Ça cause la foi de l'absurde! Quand? Du 22 au 25 novembre! Où? C'est ton droit! C'est ton 58-60 de Lorimier! C'est qui tes complices? Je le sais pas! L'horaire est sur le site! Tu me laisses vraiment pas le choix, Simon Benoît! C'est pas moi, Simon Benoît! Je veux pas! J'ai rien fait! Je te tuerai pas! C'est une joke! Hey, salut Tommy! Hey, salut Giz. Comment ça va? Man, asti de chaud de malade. Hey, y a du monde, là! moi, je prendrais ça chaque lundi tout le temps. Ben content de t'avoir avec nous. Allô? Hey, salut! Hey, écoute, ça tombe bien qu'on soit dans le jeu et qu'il y ait plein de monde parce que cette semaine, j'ai décidé de jouer à un des jeux les plus incompréhensibles de l'histoire du jeu de vidéo, c'est-à-dire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bam. Alors, c'est un jeu qui nous promet plein d'aventures, qui nous disent qu'au 19e siècle, on va pouvoir plonger dans le monde des démons de Hyde et ensuite dans son côté good, mais son côté evil, ça va être malade. Alors, j'ai joué et voilà ce que ça donne. Oui, boy, ouais, OK. Fait que là, moi, je pars le clip de Dr. Jekyll et Monsieur... Me semble que j'aimais ça, moi, dans le temps. Impossible. Ah, impossible. Bon, ben, ah, c'est impossible. On y va. Non, c'était pas le fun. Alors, voilà. Je vais baisser la trame sonore de notre ami DJ George juste pour qu'on puisse savourer le Dr. Oui, Jekyll. Oui, la délicieuse trame sonore de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On est 8 bits. On est Bandai. D'habitude, Bandai. Oui, mais... Bandai a échoué cette fois-ci. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc voilà, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un jeu de Bandai très sympathique. On peut appuyer sur Start, c'est tout ce qu'on peut faire, on n'a pas d'autre option. C'est parti. Ça vaut la peine, un menu. Donc on présume que c'est Dr. Jekyll que l'on incarne et on doit marcher. Alors voilà, on a un life meter qui est pas trop clair et on avance. Il y a des madames. J'ai vu qu'on pouvait sauter et donner des coups de canne. Ok, parfait. Ça va bien. Hop, il y a quelqu'un qui me dit ok, ça fait pas trop mal, ça va. On continue. Donc j'essaie de donner des coups de canne, ça marche pas. Ok, j'avance. Oh. Hop là. Hop. Et voilà. Oh, ça a fait mal ça. Donc je me transforme en Hyde. Ah. Fait que quand ton héros meurt, tu revis. Tu revis la nuit. Tu revis la nuit. Mais là, tu peux pas revenir plus loin que Dr. Jekyll s'est rendu. Donc, je suis game over parce que je me suis transformé là. Donc, je peux pas me rendre plus loin que ça. Et voilà, c'est fini. Quel bon jeu. Comment ça se fait qu'ils font plus des jeux de même aujourd'hui, Guiz? Mais c'est encore drôle, hein? Faut juste fouiller. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? C'est qu'il y a la moitié du jeu qui existe pour rien. Parce que pour finir ce jeu-là, faut finir en Jekyll et jamais jouer en Hyde. Ah. Donc la partie de Hyde sert absolument à rien, mais c'est la partie le fun, que tu peux tirer des projectiles, puis tu sais que c'est un vrai jeu. Pas juste marcher avec un bonhomme et éviter d'avoir des interactions avec des personnages. Fait qu'il faut que tu résistes à l'envie d'aller faire quelque chose de le fun, comme Jekyll devrait faire dans sa vraie vie. C'est tu veux pas faire ça quand t'as 14 ans, t'as tondu un gazon, puis tu vas louer un jeu pour ton week-end. L'essence de ce jeu-là, c'est pas pour le fun, ce jeu-là, Guiz. Le jeu, c'est sérieux. Devrait-on te le rappeler? Merci, Guiz. Mais merci, Tommy, on passe au prochain. Merci, là-dessus, on va aller écouter un des clips de nos invités, Franck, Apache et Vincent, qui ont fait une affaire, ça s'appelle T4. Ça doit parler des bons bon vieux temps, comme dans le temps, tu sais. On est à 70%, on va revenir avec Benoît. Bruno. When low-life fraudulent individuals become hardened criminals and refuse to pay their taxes, the government is left with no other choice but to call in major reinforcements, the ultimate worldwide tax-collecting resource, the T4 Avengers! Well. Look what this bamboozling son of a bitch was doing to help his mother hide money from the government. Let this be a lesson to you. Fraudulent gangsters, beware! The T4 Avengers will stop at nothing to recover the money you selfishly wanted to keep from the government. Who are you, a fraud? Or are you a fraud? I got your tax return right here. Get ready to experience the deadliest, bloodiest, and most patriotic shootout ever recorded on film since the Incredible Hulk. Brought to you by Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Ah, C'est bon, ok, on va partir. Hey, salut. Parce Bruno. Que... Ouais, salut, ça va bien? Ben, certain, man. Content de te voir, man. As-tu vu, Étienne est là pour mettre la trame sonore comme dans le temps? Hey, salut, Bruno. Hey, le show va bien se réécouter, ça va être débile. Ouais, malade. Hey, fait qu'on s'en va en nouvelle internationale avec... Ouais, une... semblerait-il. Semblerait-il, les gens. Oui. Alors, on commence tout de suite avec Austin Dawkins et sa femme Jessica niaisaient avec la roulette à flamèche d'un lighter alors qu'ils étaient en train de faire le plein à une station-service, s'approchant dangereusement de la teinte quand le prévisible est arrivé. Ah, oh, oh. J'ai déjà entendu ce phrase-là dans un autre depuis le temps. Le gars s'est soudainement allumé, enflammant Jessica, qui souffre de brûlures au deuxième et troisième degré. Austin a été accusé de négligence criminelle et fait face à un an de prison. Ah, oh, misère. Une femme de la Virginie a décidé de laisser son fils de 7 ans membre, se déguiser en membre du Ku Klux Klan. À l'Halloween, parce qu'il lui avait demandé. Pour la femme, ironiquement nommée Jessica Black, il s'agit d'une tradition familiale puisque son frère avait porté ce déguisement à deux reprises étant plus jeune. Ah, ben voyons! Avant Internet, genre. Ça lui donne des droits. Elle aurait essayé de décourager son fils, lui disant que les gens allaient dire des mauvaises choses s'il portait un tel costume. Oui, oui, c'est vraiment contre lui qu'on en a. Ah, oh, c'est vrai, j'avais oublié de dire, c'est parce qu'elle est sympathisante du Ku Klux Klan aussi. Mais c'est ça. Ah, pour vrai? Oh. OK, ils ont un suit chez eux, mais c'est pas ça. Nécessairement tout c'est le temps. C'est un costume d'Halloween! Et bateau! OK. Un camionneur qui est rentré dans trois voitures de police tuant un officier de police qui n'était pas non en train de regarder dans son rétroviseur comme il l'avait affirmé lors de son interrogatoire. Il était plutôt en train de checker des escortes sur Facebook et sur YouTube. La caméra à l'intérieur de son truck confirme qu'il était effectivement en train de regarder son Galaxy S3 lors de l'incident. Wow! Represent! On avait dit pas de pub sur le show. Excusez. Il n'y a pas d'escorte sur YouTube. Je le saurais. Ben ouais. Tout YouTube passe par toi, c'est ça? Oui, ça marche. Okay. Hey, mais ça, c'est pas payé pareil. Le gars, il a frappé des chars de police. Parce qu'il était sur son Galaxy S3. À checker des escortes sur Facebook. Mais est-ce que finalement il a obtenu une escorte policière jusqu'à la prison? Oh! La caméra du truck, man, c'est. Puis il savait pas, il. Crise de cave, let's go. Passe à la prochaine. Je veux pas dire c'est un trucker parce que je veux pas me faire casser la gueule tantôt, mais. Mais c'était un cave. Oui, c'est ça. On dit pas que toutes les caves sont des truckers. Non, puis on dit pas que toutes les. Truckers sont des caves. Non, on dit pas ça non plus. On n'a rien dit du tout, en fait. Marco Lavoie, un Québécois, était pogné dans la forêt canadienne avec pour seul outil son intelligence et son chien. L'homme de 44 ans était parti pour un voyage de canot et s'est fait attaquer par un ours, mais le chien est arrivé à sa rescousse et lui a sauvé la vie. Lavoie a plus tard tué son chien pour le manger et ainsi survivre à son voyage dans le bois. Selon André-François Bourbeau, il n'aurait pas survécu s'il n'avait pas mangé son chien. Marco c'est qui, lui? Ouais. Il est parti. Selon chose là-bas. C'est un spécialiste en survie. Mais il est parti combien de temps au pour pouvoir sauter un repas? Là? 10 heures. Marco Lavoie préparait un voyage en Chine. Ouais, là-bas, non, c'est pas vrai cette partie-là. Tu parles du chien qui se mange, tu fais un segway. Ouais, c'est ça. On va prendre ton autre nouvelle. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'était pour la même nouvelle, les chiens qui se mangent. Ah ouais? Ouais. Ben... T'as pas vu que c'était la même nouvelle? Non, ben, OK, vite. Ouais, non, mais ça. Ah! Des chiens mangeables. Chiens qui se mangent. Ben, ouais. Mais c'est vrai que ça se mange. Oui. Ben, parce que... C'est de la viande. C'est de la viande. Ben, est-ce que t'as fini ton intervention, mon cher Bruno Damo? Je peux t'en faire une autre, si tu veux. Ben, c'est comme... Je suis pas sûr. Oh, il dort. J'aime ça. Ah, come on, let's go, you know. C'est bon, OK. Le chef de police par intérim de la ville de Columbia, capitale et métropole de l'extrêmement divertissant État de la Caroline du Sud, a décidé de prendre le temps de répondre aux trolls de sa page Facebook du service de police. Ben oui. Ben oui. Ouais, alors, bon après qu'un citoyen ait proposé que la police se concentre à arrêter les responsables d'un récent meurtre au lieu d'arrêter des stoners qui dérangent personne, l'officier de police a répondu qu'ils avaient arrêté des suspects dans cette cause et qu'ils allaient maintenant se concentrer sur arrêter cette personne qui a laissé ce commentaire désobligeant. Donc, voilà. Tenez-vous-le pour dire, résident de Columbia. Do not feed the trolls. Ouais. Hein, une toute autre tournure. Exactement. Quand tu te fais automatiquement arrêter à chaque fois. Merci beaucoup, Bruno. Oui. On va peut-être revenir en fin d'émission. Encore une fois, merci à Étienne pour les trames sonores de fond. Ah, on va écouter un petit clip. C'est sorti de Occupation Double. Ah. On a calé qu'on débordait ce soir. Ah. Donc, on fait ça dans le relax. On fait ça tranquille. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir quelqu'un qui va revenir après. Sûrement. Peut-être un Boudreau. On resterait bête sinon. Un Boudreau, oui, ça serait spécial. Depuis 8 mois. Depuis ma dernière relation, là, ça va faire 2 ans. Ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 2 mois. Ouais. Ça fait 3 mois et demi que je suis le batteur maintenant. Un an, un an et demi. 2-3 ans, peut-être. Je sais plus. 10 mois? Vodka soda. Ah, on n'a pas de calories. C'est un gars de bière. Fait que moi, c'est le temps de bière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvent de la bière, comme un gars. J'aime bien ça, boire de la bière. Un cristal. Non, c'est pas vrai. J'aime bien les affaires sucrées. Pas de quoi ça vient. Pas de quoi trop coloré ou qui fait trop... Ah, petite niaiseuse, je veux un abricot printé. Pas ça, mettons. Enfin. C'est quoi cette question-là? Ça fait 3 semaines. Tu as besoin d'une date précise ou d'une heure aussi? C'était la semaine passée. Avant-hier? Oups! Encore, tu sais. Des questions compromettantes, là. Mon Dieu, ça fait quand même un petit bout. À peut-être 2 semaines et demie. Ça fait environ 3 semaines. Cette semaine? Avant-hier? Il ne voulait pas si longtemps que ça, on va dire les choses comme ça. Un mois? Salut Mathieu. Hey, salut. Hey. Pis? À la maison. Ben oui. Ben, tu sais, c'est ça. Ouais, j'ai entendu dire que... Ouais. Ben, c'est de même... Ça... C'est-tu vrai, cette histoire-là? Mm-hmm. Ah, ouais. Ah, les gens jasent, hein? Mm-hmm. Cette semaine, j'étais allé au musée, mais c'était comme une première erreur, tu sais. Je voulais amener mon fils quelque part, tu sais. Je voulais lui montrer des vraies affaires, tu sais. Encore fait que ça, pour lui faire plaisir, je l'ai laissé décider dans quel musée tu veux aller, tu sais. Deuxième erreur, hein. Je sais pas, mais si moi, je voulais aller au musée, tu sais, je voudrais voir des sarcophages, là, 3-4 Picasso pour m'acheter un T-shirt, tu sais. Comme tout le monde. Mais ça a l'air que quand t'as 8 ans, la complexité d'une exposition à la fois historique et thématique, ben, ça te donne le goût d'aller regarder de la marde, tu sais. Fait que direction musée d'art contemporain, tu sais, tant qu'à voir de la merde, aussi bien en voir de l'international, hein? That's how it sold for over 150 years! Y en a qui connaissent ça, les arts. Fait que je t'en avais un tableau, tu sais, pis le gars, il me dit, c'est un lézard. Non, c'est une tache verte sur un tableau blanc, avec un peu de bleu vomi sur le côté, mais pas un lézard. Là, mon fils, tu sais, regarde aller, tu sais, il voyait bien que je pompais, tu sais. Il dit, papa, le lézard, c'est une métaphore. C'est exprimé dans un style naïf qui rappelle l'enfance. Moi, je savais que la cage, c'était bon pour lui. Mais ça, c'est un... C'est pas de sa faute, hein? Il a pas d'expérience, ça y arrive, tu sais, ça... Tout le monde, l'ignorance, hein? Moi, je voulais fesser dessus, mais en même temps, je me disais, c'est mon seul fils. J'ai investi énormément de temps et d'argent. Je vais pas me le scraper parce qu'il est pas au courant. Hein? Tu sais, c'est pas de sa faute si il s'est pas rendu compte que quand t'es flow, hein, tu dessines pas tout croche parce que t'es naïf. Là, t'sais. Tu dessines tout croche parce que t'es poche. T'sais. C'est vrai, là. La preuve, c'est qu'en te pratiquant, t'en viens à dessiner des images de plus en plus précises. Puis paf! Sans crier garde, j'arrache le tableau du mur puis je plonge en arrière d'une statue. Je te le dis. Je garoche tout mon petit change puis je colle à mon fils. Laisse donc faire, Coco Benjo. T'es même pas game d'exploiter la bête. En y disant ça, je voyais bien que le buvard venait d'embarquer. T'sais. D'après ça, ben là, tout s'enchaîne, hein, tu me connais, les bisounours arrivent, ils me garochent de l'amour en bonbonne, puis je me remonte au quartier général de la joie et des caresses. Du musée ou... Voilà. Okay, oui. Ben, ils ont une petite boîte pour ça. Tu sais, t'es dans une sortie père-fils, t'as pas envie de trouver ça dole, tu sais. Combien de parents hein, sortent du cinéma démolis là, après avoir vu un singe qui joue au hockey, hein? Combien de familles reviennent de voyage là, complètement détruites là, après avoir écouté un disque d'Annie Broccoli ou de Sylvie? Oh boy. Ben moi, puis ça c'est un conseil, tu sais. La drogue a toujours réussi à me rendre la vie plus supportable. Un bon conseil. La seule chose qu'il faut, c'est faire attention à la dose. Hein. Puis clairement, là, dans le dernier cas, j'avais mal dosé. T'sais. D'ailleurs, le juge, il me l'a dit. Là. Monsieur Boudreau, votre comportement mérite sérieusement une remise en question. Votre dossier plus qu'impressionnant prouve hors de tout doute que vous êtes un danger planétaire. Néanmoins, l'enveloppe que vous avez glissée sous le porche de mon bureau, je me vois dans l'obligation de vous déclarer criminellement non responsable. Je sais, certaines personnes pourront être offusquées d'un tel manque de rigueur. Même moi, je n'en reviens pas d'être encore capable de dormir la nuit. Affaire suivante. Je pense que je sais quel juge t'a pogné. Bon, mon père, il disait, hein, l'art pour l'art, tu sais. Ou, hein, l'art, ça n'a pas besoin d'être utile ou vertueux, là. Son seul but, c'est d'être de la beauté, tu sais. Puis c'est ça que mon fils, il voulait m'expliquer avant qu'elle parte et pogne, tu sais. Fait qu'on est revenu à pied, là, lui pis moi, parce que le taux d'alcool que j'avais dans le sein était trop élevé pour me voler un char, tu sais. Puis il me disait, tu sais. Il me disait, merci, papa. À cause de toi, j'ai compris qu'il faut savoir se contrôler dans les endroits publics, sinon ça coûte des pots de vin. Comme dans la construction puis la politique. Ben voilà, l'enfant que j'élève est un génie. Je l'ai dit. Clairement. Bravo, même. Moi, je savais que la stratégie de la cage, ça fonctionnait. Néanmoins, en terminant, l'hiver approche, hein? C'est plus le temps des Bernudo. C'est le temps de Noël. Voilà. On a un petit sapin qui a l'espo qui est à côté de toi qui est de Noël. Bien manger, Tommy. C'est signe de vitalité. Oui. Ouais. Sinon, à l'intérieur de tout, mais tous les Denis Coderre, se trouve un petit garçon. Seul. T'es con, man. Rejeté de tous. Parce qu'il est différent. Puis c'est pour ça qu'il faut l'aimer, Tommy. Denis, c'est pas de ta faute si t'es gros. Merci Mathieu. On te revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci. C'est fou, en plus. Malgré que je sois de ces privilégiés qui pourraient tenir une place centrale à la foire de l'absurde, je n'y suis encore jamais allé. Cette année, il va y avoir la suite de Deadly Prey en primeur canadienne. Ah, des scientifiques me disent que des gens du nom de Meux et de Skip Jensen seront sur place. Il faudra absolument que je me déplace. Vous savez, pour moi, c'est évident que j'ai hâte, j'ai en live. Ah, je n'ai pas peur des mots. Vous savez, les mots ne sont pas tangibles. Je déclare, je serai du 22 au 25 novembre, parti au brouhaha. Garçon, si t'as jamais eu envie de, tu sais, le spécial sexe du vendredi soir, tu sais quoi? Quand tu vas l'encaisser, pff, c'est ça, en plein ça. Étant scientologiste, il est évident que ma tête est un accident. Pas autant que David A. Pryor, qui nous a fait Deadly Prey 2 pour le visionnement de clôture. Parce que tu sais qu'il y a vraiment personne qui peut t'aider. C'est mon chauffeur qui va me conduire. Je sais que je ne peux pas manquer cette opportunité de vraiment m'aider pour la première fois. Et effectivement, changer ma vie pour le mieux. J'aurais aimé que Elrond soit là pour me voir absolument, vraiment heureux. Orgs are there to help, okay? But we as, you know, as also the public, it's like... Wow. Emmanuel, bonjour. On est dans l'espace. Nous sommes dans l'espace, bien sûr. Aaron Gallagher. Ah oui, oui. Hey, ben, merci à tous ceux qui ont voté. D'ailleurs, vous allez sûrement avoir des nouvelles de Bouscotte, peut-être la rentrée l'automne prochain. Là, Victor Lévy-Beaulieu, c'est le projet. Ah oui, c'est vrai, t'avais dit pour des, chaque 10... Ah oui, j'ai envoyé beaucoup, beaucoup de lettres. Radio-Canada m'ont renvoyé pour me dire « Arrête d'écrire, c'est... Ben... » Donc, il y a des réactions. T'as poussé le premier domino. Oui, oui, voilà. C'est parti. Je vous le dis, l'automne prochain, ça revient. Alors, où en étions-nous? Qu'est-ce qui a gagné? C'est la troisième option, l'option qui était de prendre, dans le fond, les informations et de quand même arrêter Poutric le Vandal. Ah, on a les yeux trop gros, même. On verra. Alors, Aran Galarrière tenta tant bien que mal de refermer la porte qu'il avait si cavalièrement fait sortir de ses gonds, laissant une Sonia Plum visiblement sous le choc, seule assise dans son salon à fixer une tasse de thé vide. Il se tourna vers Poutric qui faisait mine de se relever. Tika Gallagher pointant nonchalamment son incapacitationneur marque déposée vers le criminel. Reste assis, les mains bien en vue. Maintenant, je te conseille de commencer à parler et que ce que tu me dis soit assez intéressant pour que je te laisse aller, lui intima-t-il en s'asseyant. Ok, bafouilla Poutric. Regarde, moi je voulais juste faire chier le système, rien de bien grave, des petits graffitis innocents par-ci par-là. C'est eux qui m'ont approché et qui m'ont montré à faire les bombes, les frères Blacksoriens. Ils me donnaient des cibles, moi je les faisais sauter. J'ai jamais blessé personne, je faisais toujours attention, mais... En tout cas, c'est toujours le même gars qui me contactait, un grand Blacksorien avec les cheveux verts. Goulout, son nom. Continue, le rassura Aaron. Ça va bien? On peut trouver ce Gloulout où? Je l'ai entendu mentionner le Blacksorien assoiffé une fois. Celui sur Flegma, sans qui le chasseur de primes, ne pouvant pas croire que sa prochaine cible se trouvait aussi proche. Non, justement, il disait que celui-là, c'était de la pacotille, une attrape touriste. Il parlait que le vrai Blacksorien assoiffé se trouvait sur Boula Boula 14, à 2 ou 3 000 parsecs d'ici. C'est là que ses amis se réunissent, c'est pas un endroit recommandable pour un blanc bec d'humain, qu'il disait. Débita Poutric sans s'arrêter, espérant satisfaire son assaillant. Très bien, annonça Aaron Gallagher en se relevant tranquillement. Tu avais raison, la prime sur ta tête n'était pas très importante, mais les renseignements que tu viens de me donner en valent certainement 10 fois plus. Ah, merci monsieur, je vous le promets que je ferai plus de se mit à crachoter le Vandal. Oh, oui. Ceci dit, compléta le chasseur de primes, rangeant son incapacitationneur marque déposée. Il n'y a pas de petite prime et j'ai bien besoin des crédits qui sont sur ta tête. Il souleva le corps inerte de Poutric Plume et le cala sur son épaule avant de quitter la pièce. Il passa à côté d'une Sonia qui avait délaissé son air hébété pour une expression sombre et résolue en apercevant le chasseur de primes avec son précieux neveu sur l'épaule. Elle ne dit mot en le laissant passer, mais serrant le dentier, fixa sur lui un regard sombre et résolu. Si des pupilles avaient pu lancer des pioux, Gallagher n'aurait valu guère mieux qu'un hélicoptère, ce véhicule primitif à la fragilité légendaire. Il la dépassa sans remords et quitta le modeste logement. P, prépare le compartiment de détention, j'arrive, signala-t-il à son fidèle ordinateur de bord, PNS-678. J'en déduis que t'as attrapé le pas fin, est-ce que je prépare notre feuille de route pour retourner sur Justicar? Que fera Aaron Gallagher? 1. Il va tout de suite arrêter les frères Baxoriens. 2. Il livre Poutric à la justice avant d'aller lui-même les arrêter. Ou 3. Il livre Poutric à la justice et vend les renseignements aux plus offrants. Alors, voilà pour cette semaine. Merci bien. Allez voter, comme ça a bien été il y a 3 semaines. Et cette semaine, pour un temps limité, j'ai collaboré avec toutes les grandes compagnies de cartes de crédit. Pour chaque vote, vous recevez 5 Air Max. Si ça fonctionne pas, vous poursuivrez votre compagnie de cartes de crédit. Bonne chance. Merci beaucoup, Emmanuel. Encore une fois, c'est une idée de génie, je pense, qui est très à sa place à 70%. On va écouter un vidéoclip. D'habitude, on en écoute plus dans une émission de 70%, mais ce soir, on est loadé de collaborateurs intéressants. Ça veut pas dire que le vidéoclip vaut pas la peine. S'il vous plaît, allez-vous-en pas. On revient à 70% pour d'autres invités, d'autres chroniqueurs. C'est loadé à soi. En fait, Julien Bernacci, tu es comme notre invité surprise de secours. Et tu vas pouvoir... lève-toi, là. Non, je vais t'aller en croiser comme ça. OK. moi, ce que je voulais, c'est que comme on t'a en extra ce soir, parce que DJ George est là et que DJ George nous a amené son top 8 des tunes qui sont vraiment savoureuses depuis le temps qu'on l'a pas vu, je voulais que tu nous fasses ta petite danse pendant qu'il nous présente le numéro 1. On est-tu en onde, là? Oui, oh oui, oh oui, on est... Et puis t'as même Joël Legendre qui nous chante que Noël, c'est ouais, rouge en background. Salut, je m'appelle Julien Bernacci. Cette semaine, j'ai pas de chronique. Par contre, ben. J'ai commencé à boire ma pisse. Ouais. Continue. En onde. On est tout en train de se parler, là. Ok. Mais, ça a l'air savoureux. Mais bien mieux que d'avoir une chronique ou de voir sa pisse, j'ai l'honneur et le privilège de présenter la nouvelle chronique de Frédéric. Il va vous faire bien rire, vous allez voir. C'est un conte aussi grand que drôle. Alors, préparez-vous à vous amuser. Et en même temps, vous allez pouvoir vous faire masser les oreilles par la chanson numéro 1 de Étienne Forêt alias DJ Georges. Oui. C'est quoi ta chanson, Étienne, cette semaine? Bien, ma chanson numéro 1, la chanson improbable qui coiffe mon top 10, mais en fait qui est devenu un top 8. On est rendu au premier. En fait, j'ai eu de la misère à choisir juste une, comme d'habitude, mais j'ai découvert récemment, ceux qui écoutent DJ Georges Hebdo le savent, comment je trippe sur cette découverte-là, Mary Schneider, qui est une yodeleuse australienne. Ah, misère. Qui, elle, a décidé pas de faire du yodel sur de la musique country, tu sais, ou du yodel générique, comme tout le monde fait. Non. Elle a décidé de se démarquer. T'as dépassé le Event Horizon du yodel. Ah ouais, ouais, d'accord. Elle prend des chansons tirées du répertoire classique, genre Mozart, Beethoven, et que sais-je encore. Et elle yodel ces chansons-là. Elle a fait deux albums comme ça qui s'appellent Yodeling the Classics 1 and Yodeling the Classics 2. J'ai acheté les deux albums sur iTunes. Quand j'ai découvert, je suis tombé là-dessus par hasard. C'est vraiment un incroyable hasard. Dans une série qu'un ami m'avait recommandée, la série Weeds, il y avait un petit bout qui jouait comme 30 secondes pendant une scène. Puis là, après, là, j'ai arrêté. J'ai tout lâché, cette série-là, qui n'est pas si bonne que ça, finalement. Puis je me suis dit, faut que je trouve c'était quoi. Puis j'ai trouvé c'est quoi. J'ai downloadé deux albums. Le lendemain, Apple m'a envoyé un mail me disant... On a détecté une activité louche sur votre compte. Avez-vous réellement acheté deux albums de Mary Schneider? Ce qui me fait réfléchir sur le fait que la carrière de Mary doit pas aller super bien. Mais je n'ai pas été déçu des albums et je vais donc partir sans plus de discussion. Ma préférée, qui est celle dont le boot était dans Weeds pour que je découvre tout ça, ça a une valeur sentimentale. Dans Yodeling Weeds. Mozart. Alors je passe ça. Checkez bien ça. C'est superbe. Je sais pas si tu peux monter le son un peu pour nous. Studio. Ah, j'espère que tu vas mal dormir. Hein. Moi, ça me rend tellement joyeux. Là. C'est des mix. Elle mixe toutes les tunes connues ensemble. Des fois, elle chante des paroles qu'elle invente. Puis des fois, c'est du yodel. C'est magique. Ça, c'est le genre de chanson que tu mets dans tes road trips avec ta famille, hein? Exactement. Mais ma famille apprécie beaucoup. Mais mon fils apprécie pour vrai beaucoup, au point que moi, j'ai un peu peur de ce que j'ai fait. Ma blonde, par contre, apprécie pas du tout, au point que des fois, j'ai un peu peur d'elle. Elle a déjà enlevé un CD que j'avais fait jouer, puis elle l'a cassé en deux, puis elle l'a pitché à terre dans le fond du char. Est-ce qu'on peut savoir c'était quoi, le CD? C'était un CD maison que j'avais mis toute plein de bonnes tunes dessus, mais la tune qui jouait... La tune qui jouait au moment qu'elle a fait ça, c'était Dominique, Nick, version Mimi et tu. OK. Ouais. Qui est la meilleure version. Il n'y a aucun être humain que ça ait tente d'aller t'ostiner là-dessus. Non, non. C'est juste ma blonde qui est weird, elle était PMS. Puis là, on l'avait fait jouer plusieurs fois pour que ça soit encore plus le fun. Puis là, elle voulait qu'on arrête. Fait que là, j'ai dit, on pourrait voter. On était, moi et mon fils, content, on gagnait. Clairement, elle a pété les plombs, puis j'aurais peut-être dû penser au divorce à ce moment-là, mais je l'ai pas fait, puis jusqu'à présent, ben, ça se passe bien. Tu y as peut-être pensé, mais t'es pas passé. Non. Et voilà, vous en avez parlé, maintenant ça vous a rendu plus fort. Ah ouais, puis maintenant j'en ris, tu sais, je suis capable d'en rire. Check ça. Et là-dessus, ça nous fait un beau segue, notre magicien, en fait, notre chaman, notre mystique à 70%, c'est l'être humain qui s'occupe des dossiers que les autres, ça ne les intéresse pas. On a Fred Fournier. Salut, Fred. Salut, Tony. J'ai préparé un beau dossier de nouvelles importantes cette semaine. De nouvelles... Qui ont attiré mon attention dans les journaux gratuits. On a du yodel en background. OK, toi, tu me demandes de passer à la première image. On passe ça. On part avec les grands titres. OK. Donc, premier grand titre, la 7e édition est lancée. Enfin. Hein? Dépêchez-vous. Départ canon des jeunes. Enfin. Boum! Boum! Troisième grand titre. Les Montréalais aux urnes. Les Montréalais aux urnes. Well, 30-quelques pourcents d'entre eux. autre grand titre. Citronné juste assez. Parce que, tu sais, c'est bien connu, trop, c'est comme pas assez. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est donc, il fallait qu'on en parle. Est-ce normal? Ben, ça s'est déjà vu avant, en tout cas. Surnom recherché. Alors, si vous en trouvez un, vous pouvez nous écrire. On est ouvert aux suggestions, n'importe lesquelles. Urbaine, mais hésitante. Exactement de la façon dont j'aime mes femmes. Donc, voilà, c'est lancé. On commence avec les... Donc, on sort des grands titres pour aller dans les nouvelles, pour vrai. Alors, Mélanie Joly, mairesse de Montréal. Contre toute attente, Mélanie Joly défait Denis Coderre aux élections municipales de Montréal, amassant quelques 33% des voix, c'est-à-dire un étonnant 9% de plus que les prédictions émises par les derniers sondages de la semaine dernière. Alors, victoire surprise pour l'avocate de formation de 34 ans. Donc, on le voit sur la photo ici, elle est très contente. Et pour ce qui est de Denis Coderre, pendant ce temps, il s'est rendu au casino de Montréal, s'en va direct aux slot machines, pogne des cerises, gagne son pari, s'exclamant ainsi « Wouhou! » Tu peux monter la photo, on voit sur son visage l'expression de joie. Oui, il est très très content. Tu sais, je vais prendre un peu de temps de « Wouhou! » Voilà. Wouhou! Il y avait une alors, avec son magot, Coderre fait de la corruption et double ainsi l'ensemble de ses gains. Toronto. Le maire de Toronto, Rob Ford, a admis dimanche avoir commis des erreurs dans sa vie. Mais il n'est pas allé jusqu'à mentionner, suite à la fameuse vidéo qui l'a propulsé à l'avant-scène médiatique un peu partout sur la planète, quelles étaient ses erreurs les plus pires. Lors de son émission de radio hebdomadaire hier, M. Ford a ainsi reconnu qu'il n'était pas parfait, mais qu'il ne pouvait changer le passé, seulement le réveiller près de la machine à café. Le premier magistrat s'est excusé envers sa famille, les membres du conseil municipal ainsi que les contribuables de Toronto, mais n'a pas clairement indiqué ce pourquoi il présentait des excuses exactement. Exactement. Alors, comme Milli Vanilli en 96 devant l'UNESCO. Voilà. On voit une bonne photo aussi. C'est la meilleure photo que j'ai trouvée aujourd'hui dans le journal. En contre-plongée de Rob Ford. Ça met de toute évidence à son avantage. Clairement. Et il a toutefois promis qu'il allait changer. Que? Je vais changer. Quoi? Je vais changer. Il va changer quoi? On sait pas. Il l'a pas précisé non plus. Donc, Céline, des changements, hein? Une année de changement, sa famille, ses projets, toutes sortes d'affaires. Céline au banquier aussi, hein? C'est la folie pure. Pendant 2 heures, hier soir, on a eu le résultat hein, de la soirée du banquier, comment ça s'est passé. Je vous apporte ça aujourd'hui, c'est tout chaud, ça vient de rentrer ce matin. Aïe, on sent. Donc, voici, ça va comme suit. Drôle, chaleureuse, parfois vulnérable et n'émettant pas cette fois son opinion sur la charte des valeurs québécoises. Céline Dion s'est montrée d'une simplicité désarmante, livrant des anecdotes personnelles touchantes et amusantes, le tout soigneusement calculé, comme à l'habitude, par son mari et gérant René Angelil dans une opération de relations publiques faisant partie de l'entente à long terme signée précédemment avec Québécois et coïncidant, tout comme par hasard, avec la sortie d'un nouvel album de la chanteuse. Après avoir choisi soigneusement la valise numéro 19, Céline a eu la main chanceuse, puisque la première qu'elle a ouverte était la valise Capital One, qui rapportait immédiatement 10 000 $ pour sa fondation. Tombant ensuite sur la fameuse valise surprise, l'hécatombe de surprise s'est poursuivie alors que Céline a vu débarquer sur le plateau la mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche, ainsi qu'un père de famille qui a perdu plusieurs proches dans la catastrophe de l'été dernier. Entre deux valises, Céline en a profité pour dévoiler plusieurs chansons de son nouvel album anglophone. The Pain! On va sur la prochaine chanson, un extrait désopilant de la soirée d'hier soir au banquier, et voilà. C'est tout ce qu'on a. Donc, en parlant chanson, Comment tenir sous le silence le grand retour du rocker enfant terrible du Québec, Éric Lapointe? Fuck yo! Tommy, reste avec moi sur celle-là, ça sera pas grave. Ah, va chier. Éric Lapointe est de retour avec du nouveau matériel après une longue pause d'un an et demi avec son album soigneusement intitulé Jour de nuit. Le chanteur mise sur l'extrait « Ça me manque » pour faire plaisir à ses admirateurs et s'imposer ainsi dans leur quotidien par le biais des radios commerciales où il y a déjà garantie d'une grande rotation de sa chanson pour les semaines à venir, voire les mois à venir. « Ça me manque » est une balade racontant une déchirante histoire de cœur qui s'est mal terminée, évidemment. Éric chante qu'il est en manque de souffrance puisque ça faisait déjà un an qu'il retenait tout ça à l'intérieur puis qu'il n'avait plus la possibilité de déverser toutes ses souffrances sur ses inconditionnels fans payant jusqu'à 60$ pour souffrir avec lui. Pour ajouter à l'émotion, l'artiste a fait appel aux arrangements de Scott Price. Le texte est signé par Éric et son fidèle collaborateur de longue date, Roger Tabra. Alors que pour la musique, il a travaillé avec un autre ami proche depuis ses débuts, le guitariste Stéphane Dufour. Allez tout chier que toutes ces personnes aillent déféquer toute leur trip, tout ce qu'il y a en dedans d'eux autres. En conclusion, ouais. Jour de nuit, qu'on promet comme l'un des opus les plus rock d'Éric Lapointe et son 7e album de chansons originales en carrière. Éric compte 15 albums. Qui mange la marde? Donc, aïe, ah ouais, il y a plus de la original, de 8, ses... pas... Super on n'est pas cave au Québec, ouais. C'est juste qu'on va acheter tout ce qui nous diarise dans la face. Influençable. Même. Ouais, c'est ça, mange la menthe aussi. L'avez-vous entendu? Chronique chaman! Chaman! On enchaîne ça? Retour de l'être aimé, peu importe les circonstances et la distance qui s'oppose à vous, soigne toutes les sortes de maladies d'influence négative, révèle la face de l'ennemi, 33 ans d'expérience. Donc, premier témoignage réel. Réel. On voit, c'est la photo d'une vraie personne, un visage, une tête. Aujourd'hui, nous sommes en plein essor après nous avoir subi la faillite. Nous avons été détruits en raison d'un rituel vaudou qui a soudainement affecté toute ma famille, sans raison. Seule l'envie et la jalousie étaient l'explication logique à cela. Ben oui, clairement. Ouais. Maintenant, nous sommes en bonne santé et protégés contre toute mauvaise influence. Merci, chaman! Chaman! Merci, chaman! Témoignage réel! Réel. Le contraire de témoignage faux. Purifie les maisons et les bureaux, n'oubliez pas. Guérisseur de naissance. Maintenant, je suis contente de ma relation après avoir beaucoup souffert en raison d'une sorcellerie qui a changé ma vie. En raison du chaman amazonien. J'ai pu voir le visage de mon ennemi et retrouver la personne que j'étais. Une femme heureuse. Chaman! Son la vérité. Et ça nous amène tranquillement vers la fin de cette émission de 70% ma foi. C'est moi qui ai inventé ça, dire ma foi. Très très chargé. Bruno! Oui! on continue en vraie nouvelle. Ah oui, donne un coup à Fred qui s'en a. Jordy Henk a été arrêté. Non, tu peux rester. Okay. La semaine dernière, après qu'il a été trouvé, qu'il était en possession d'un livre en retard depuis 2010 à la bibliothèque, l'homme devra servir une sentence de 90 jours de prison pour ce crime odieux. Le juge municipal Bill Price affirme que la loi a été passée parce que des fois, ça coûte cher quand le monde ne ramène pas leur livre, il faut qu'on les rachète. C'est vrai. Ça coûte pas cher. Après avoir retourné le livre, comment tu dis? Ça coûte pas cher loger et nourrir un homme pendant 90 jours. C'est ça, c'est ça. Après avoir retourné le livre, Hank a été libéré sous caution pour 200$. Ah bon? Oui. C'était bien qui finit bien. Une école préparatoire de Brooklyn a été brièvement évacuée et 8 étudiants ont été hospitalisés après avoir inhalé un gaz nocif. Après enquête, il semblerait. 10 gaz étaient en fait du déodorant Axe qu'un étudiant aurait vaporisé à outrance. Notons que les high schools de Pennsylvanie sont allés jusqu'à bannir le Axe après l'hospitalisation d'étudiants. Mais comment qu'ils vont avoir de... Ouais, hein, ouais, c'est bon. C'est pas la bonne personne, je pense. Ouais, là, ben, c'est tout mélangé les photos, là. Ouais, ouais, ben écoute, voilà. Là. Okay. Hein? Moi, je reçois beaucoup de photos de différentes personnes pendant le show, des fois. Ouais, mais moi, je les ai toutes envoyées avant. Ouais, t'es un héros. Ben, c'est ça. Un peu de rigueur, s'il vous plaît. Fait que là, on est à notre dernière photo, si je comprends. On est à notre dernière photo et notre avant-dernière nouvelle, parce que je t'ai pas fait chier avec ma dernière photo. Ah, c'est gentil. Dans le plus habituel, disons, un homme du Wisconsin, là, c'est la bonne photo. Habillé en clown, a été arrêté après avoir tenu un enfant au-dessus d'un viaduc de train. On rit. on a du plaisir. Antonio Brown revenait d'un party d'Halloween et a demandé aux enfants de sa blonde âgés de 8 et 13 ans de prendre une marche avec lui. L'homme les a alors fait boire, les a traînés dans les bois et alors qu'il criait de terreur, il a agrippé le garçon de 13 ans, le suspendant au-dessus du dit viaduc afin de le punir. Il fait face à 16 ans de prison et l'alcool aurait joué un rôle dans cette histoire. Ben oui, c'est tout le temps grâce à l'alcool que toi t'es une nouvelle. Hey, on a une sacrée grosse émission à soir, on va revenir après un petit clip ici dans Nerdfeld. Merci les gars. Merci Tommy. Ben, ça brasse à 70%. Fred, il fait dire qu'il va te les envoyer à l'avance ces photos là. Ouais, ben je dis merci à Fred de ma part. Fred, parce que j'aime ça quand il est là. OK. Merci. But son, it's only Tuesday. Vrai effort. Écoutez, on est plusieurs personnes à vous fournir chacun notre 70% chaque lundi. Et ce soir, il y a plusieurs personnes à remercier. On a eu Bruno, on a eu Fred, on a eu Bernatché qui est passé, Étienne Forêt qu'on voit pas assez souvent, Guiz qui était là, Boudreau. On a eu Franck Apache aussi et son pote Vincent qui sont en compétition. C'est quelque chose qui compte, la compétition. Allez voter pour leur film. Ça se passe, bien sûr, à The ABCs of Death. Sinon, ben, Éric Lapointe, ça va être fini. Ce que je voulais faire, c'était surtout remercier les gens présents et vous rappeler qu'on existe sur YouTube au douteux.tv. On est à douteux.tv tout le temps live. On se cherche des bénévoles qui sont motivés, capables de venir faire des émissions avec nous. Merci de nous suivre. Restez en onde. On écoute un petit dernier clip avec Mario Benjamin. Et ensuite, ça va être Comprendre. On va parler de Creepies, le long métrage qui a été voté ce soir au www.douteux.org. Et en fait, c'est un petit peu pour ça que je voulais prendre la parole avant de. Je vais être le premier à vous souhaiter, à tout le monde, une excellente, une sublime, une merveilleuse période de la magie de Noël. Merci. Willow. Ouais. Mario? Ouais. Ça va? C'est G.I. Joe, man. G.I. Joe? Ouais. Faut que je te parle. On va écouter ça avant, hein, et je vais voir assez mon chat.

Creepies, c'est indie, dans le sens le plus peu du mot. Et loin de moi l'idée de punir les motivations incarnées d'une bande de gens qui, eux, ont fait un long métrage. Vous en connaissez combien des personnes qui ont dit qu'ils étaient pour en faire un puis qu'ils l'ont pas fini? Ben, vous pouvez me rajouter dans l'eau. Pour l'instant. Non, il est impossible de se mettre dans la peau du producteur parce que quelqu'un a signé le chèque pour que ce film existe. Quelqu'un a déboursé de l'argent, du sacro-saint argent, pour que ce film passe de l'état d'idée de film de monstre standard à film de monstre standard qui existe dans une pile de films de monstre standard qui ne cesse de grandir. Je vais maintenant devenir méta. Et ça va être très pédagogique et peut-être devenir une référence pour le futur, mais bon. Mais surtout, bon, pas mais, bon. Chez Douteux, on utilise une échelle de notation des productions culturelles qui va de moins 10 à 10. Au sein de cette échelle, il y a trois valeurs qui sont impossibles. Il y a le moins 10, le 0 et le 10. C'est trois absolus. Cette échelle repose en fait sur le potentiel de divertissement d'une production culturelle donnée. C'est très sérieux. Pour ma part, plus je l'utilise, plus j'ai de la difficulté à faire part entre le négatif et le positif. Et plus mon cœur, ma tête et ma bite ne se reposent que sur la notion qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire le potentiel de divertissement d'une production culturelle donnée. Nos cerveaux ne veulent qu'être stimulés. Notre but premier à chacun, tous les êtres humains autour de vous n'ont que ce but tout le temps, c'est de combler leurs besoins, a.k.a. se désennuyer. Au sein de ce besoin de stimulation, je suis de ceux qui ont fait la paix avec l'interprétation de la notion. Si vous écoutez mes clips de présentation comme ça et que vous riez parce que, mettons, il est gros ou tu sais, il parle tout croche, il s'enfarge dans sa feuille, je suis vraiment pas offusqué. Donc, Chris, non. Au soin de, autrement dit, si je suis diverti, je me fous de plus en plus de pourquoi je suis diverti. Pas de comment, pas de ce qui mène à ça, mais un coup que le résultat est là, je me fous de plus en plus de pourquoi je suis diverti. Au sein de, ouais, c'est ça, pas de comment, mais du pourquoi je veux vivre des expériences culturelles qui s'éloignent du zéro. Je veux être saucé dans la variété, c'est mon but premier. Il n'est pas, du moins pour moi, péjoratif de donner à un film indépendant fait à bout de bras par des gens motivés la note de moins 6. C'est pas de même que je vois ça. Je me devais de mettre ça au clair. Chez douteux.org, on ne fait pas le culte de la médiocrité, on fait le culte de la variété. Il y a une approche très différente au rendu final que l'un ou l'autre peut amener, mais le but est un petit peu le même. C'est une notion qui est au centre de la motivation de moi et de tous les bénévoles précieux à la cause avec un C majuscule, de la manière que je brainwash tout le monde qui prétend être mes amis. Et Jeff Leroy, Jeff Leroy, est dans son film Creepies de 2003, va nous abreuver en variété à un degré qui s'éloigne du néant absolu culturel d'au moins 6 degrés. Et c'est bien de s'éloigner du zéro. En fait, c'est primordial de s'éloigner du zéro. Personnellement, je pense que la chicane, un band de Val d'Or, plein de douchebags avec qui j'ai joué au hockey quand j'étais plus petit, et les Bouquetouches, la bande dessinée de Michel Brûlé, sont les deux productions culturelles que je connais qui se rapprochent le plus de cette notion de event horizon culturel. Puis en fait, c'est très difficile d'étudier une œuvre qui se rapproche autant de la neutralité, autant du mur blanc sans fond sonore. C'est très difficile parce que trop proche du zéro, le manque de stimulation nous amène à aller prendre une marche, faire la vaisselle ou simplement on s'endort. Tu sais, c'est assez plus facile et ça va souvent très mieux. En fait, il est extrêmement difficile de donner, en toute conscience, une note de plus 2 à moins 2 à quoi que ce soit. Ça demande de mettre de l'énergie d'analyse sur un objet qui ne fournit aucune aspérité. Genre, tu peux pas grimper la falaise s'il n'y a rien pour t'accrocher. Donc, ouais, c'est ça, aucune opinion. T'es comme... Ce que je voulais mettre en reflet, c'est notre besoin à tout le monde, tous les êtres humains, d'être stimulés. Et puis ça a d'ailleurs été prouvé que la pire des tortures qu'un être humain pouvait subir, c'était le contraire d'être stimulé. C'est-à-dire d'être non stimulé. pendant un temps. Là, tu sais, les cabines, là, ils te font flotter dans de l'eau saline pour que... Faites vos recherches, vous avez Internet. Habituellement, on dit que les productions qui réussissent à nous divertir de la manière dont les créateurs voulaient qu'on soit divertis terminent dans le positif. Un excellent film post-apocalyptique qui nous présente une femme fertile, tu sais, qui est la dernière femme fertile de l'humanité. C'est sorti en 2006, ça a été très poignant, ça m'a vraiment eu, ce film-là. Je parle bien entendu de Children of Man. Mais bon, à la base, c'est une femme fertile qui est la dernière dans un monde post-apocalyptique. Ce qui est exactement ce qu'on adore rire de. Mais bon, hein, c'est quoi qui est important? C'est d'être diverti, et cette fois-là, ils l'ont fait de la bonne manière. Les productions qui nous divertissent d'une manière totalement différente que celle de laquelle les créateurs voulaient nous divertir terminent d'habitude dans le négatif. Si, mettons, Tommy Wiseau, il voulait nous présenter un triangle amoureux vraiment nouveau genre, dans une pièce avec des amis, ben, ça n'a pas marché. Et ça reste un excellent film. C'est ça qui est important, c'est que c'est un excellent film. Creepies, c'est un petit peu entre les deux. On aurait pu lui donner la note de plus ou moins, et c'est peut-être la note de plus ou moins que je viens de vous expliquer ce soir. Mais bon, faut pas renier que c'est un film d'infographie tout croche, et de marionnette tout croche, et de maquette tout croche. Genre, réellement... tout croche. Vous allez peut-être voir vos plus tout croche de toutes les maquettes tout croche de l'histoire. Donne-moi un budget, une équipe pour faire tout autant tout croche, puis je crois pas que je serais capable de trouver les personnes. Puis je connais des gens qui seraient capables de... Genre, mettons, je te donne 20$, fait que fais ça moins hot que ce que t'aurais été... Tu sais, je sais pas. On ne peut plus reproduire ce que c'est Creepies, parce qu'on est passé l'étape, on est passé le seuil qui nous amène à invariablement ne pas pouvoir faire aussi poche. C'est ça que je veux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le manque de talent à faire des infographies qui a restoppé Jeff Leroy, le réalisateur, et son équipe à nous fournir un film avec quelques-unes des séquences de maquettes les plus grossières, quelques-unes des séquences d'infographies les plus laides de tous les temps. Et je suis très prompt au superlatif. Mais vraiment, ce soir 2003, rétrospective, on est très contents. Ils l'ont fait, et c'est pour ça que pour moi, c'est pas un plus ou moins ce film-là, c'est un moins. Si les personnes qui ont fait le film sont offusquées parce que je dis « man, c'est poche en crise », puis que je ris en écoutant le film, puis dérange-moi pas parce que je trouve ça poche, j'écoute le film, je suis diverti totalement, mais que le gars le prend personnel... Ça va peut-être devenir une joke, son attitude. En attendant, ça reste un film extrêmement divertissant pour 2003. Je me rappelle quand je l'ai vu la première fois. C'est sûr qu'il y avait Phoebe Dollar. Je vais en reparler un petit peu, mais bon, c'est un excellent film. Préparez-vous pour un film d'horreur un peu à contre-courant au niveau du scénario, mais totalement dans la veine de ce que l'on aime mettre de l'avant ici à douteux.org. Ouais, c'est ça. Le scénario est magique. D'habitude, dans les films d'horreur, on doit se taper une séquence de mise en situation dans laquelle un personnage sans nom meurt des causes du monstre gardé hors plan, ce qui donne un indice aux spectateurs des menaces qui s'en viennent. Puis, avant de se manifester, cette menace laisse passer quelques séquences d'adolescents commettant de graves péchés impardonnables. Des péchés impardonnables et innommables comme fumer de la drogue, être noir ou être une fille qui aime le sexe. Tu sais, des affaires impardonnables. Après avoir éliminé tous les pêcheurs, le monstre sera repoussé par la fille pure qui a refusé de mettre, dans sa bouche le gland du destin, oui. Ou par le gars trop occupé par le succès du... Par le succès au sens wasp du terme. Tu sais, parce que c'est beaucoup de ça qu'on parle quand on parle de cinéma hollywoodien. Je l'ai souvent dit et je ne fus pas le premier... Puis fuck, c'est moi le premier. Le méchant, le monstre dans un film d'horreur américain, hollywoodien, est souvent un élément normalisateur. Il est un élément lawful good, un peu comme l'Inquisition, la très sainte Inquisition. C'est quelque chose qui vient tuer les éléments qui sortent du moule pour en arriver avec une humanité bien eugénisée, c'est-à-dire le gars qui... puis a respecté que la fille, ça y tentait pas de le sucer pendant tout le film. Et la fille, qui, elle, espérait quelque chose de plus beau, plus grand. Hein? Comme les princesses Disney dans le temps. Et puis, ben, ce couple-là, lui, il survit aux aventures. Et le film va... En fait, le monstre va revenir parce qu'il y a tout le temps des éléments adolescents qui essayent de mettre leur kékette dans des orifices qu'il faut pas. Bon, dans Creepies, Jeff Leroy ne fait pas ça. Genre, fuck all, ça. Le film commence, des gens meurent. Comme on a dit tantôt, mais bon, juste dans la séquence d'après, des gens meurent. Et puis à partir de la 53e minute jusqu'à la 90e, on embarque dans une cavalcade d'incroyables moments magiques au sein desquels Ron Jeremy va trouver le moyen de nous offrir sa plus belle prestation d'acteur de ce côté-ci d'Orgasmo et de ses érections. Vraiment. Et si quelqu'un a peur devant les manifestations d'araignées, on écoute Creepies, un film de 2003. On est à douteux.tv, la télé des délaissés. Merci de nous suivre. Bye. You mind telling us what the hell's going on here?